prendre pour te voir tous. Ok. Démarre quand tu débarques aux autres. Je me démarque, les rappeurs, je suis le mal. C'est pas la marque, essence, ah ah, débarque. Vas-y, casse-toi, clochard, observe le regard. Ce soir, avec ta meuf, j'ai rencard. Je la casse et tu la récupères sur un brancard. Rencard, on va se battre, mes couilles, je m'en ai pas mis ça. C'est quoi les bails, se battre contre l'état à l'oral, c'est trop facile. Pour la mif, la maille, le rap, je te bats de ce qui me fascine. Ta gueule et reste assis. Se battre contre la chemise dure pour la signature. On reste debout même si c'est dur. Hey. Trop de fils d'eux dans la gravure, des fils d'eux dans la bavure. Pour ça que la banlieue est en crise. Il faut qu'on brasse pour qu'on prend des risques. MC, tu craques sur mes lyrics. Piste, ce putain de rap est devenu piste. Hey. Pourquoi se battre pour leur montrer qui on est? Comment leur montrer? Une instru, quelques mesures. Elle est la prof, non. L'enveloppe est chill, bien sûr. Quoi cette rage entre nos murs pris en otage. Quoi se battre pour leur montrer qui on est? Comment leur montrer? Une instru, quelques mesures. Quelle est la prof, non. L'enveloppe est chill, bien sûr. Quoi cette rage entre nos murs pris en otage. On va se battre jusqu'à être dans les bacs. J'aimerais bien que le rap me mette la bague. Même si je te baisse dès la casse des bas. Quand je t'écoute, je me casse des bas. Le rap fait partie de ma catégorie. Moi je suis côté des gorilles. Donc si t'essayes de me clasher, tu fais grave gollerie. Moi j'écris mes rimes sur mon téléphone. Quand je rappe, j'ai besoin de personne. À 16 mesures, je te décris ma personne. Et frère, je te le dis, n'attends rien de personne. Et toxico, t'es blanc comme un cachet d'aspirine. Et man, vas-y sniff ma rime. Où j'habite, ça a rien à voir avec la Palestine. On va se battre tout seul ou avec ma bande de 4. Mon rap, tu l'estimes comme un 4-4. Là où j'habite, c'est la capitale. Tu fais un pas de travers, on te décapitale. 150 bastos dans le rap, c'est nous les capitaines. Je regarde mal, je serai obligé de t'envoyer mon petit billet. Pourquoi se battre pour leur montrer qui on est? Comment leur montrer? Une instru, quelques mesures. Quelle est la prof, non? L'encoque les chill, bien sûr. Quoi cette rage entre nos murs pris en otage. Quoi se battre pour leur montrer qui on est? Comment leur montrer? Une instru, quelques mesures. Quelle est la prof, non? L'encoque les chill, bien sûr. Quoi cette rage entre nos murs pris en otage. Pris en otage, eh. Issa Jessel, hostile, Duff, eh. Torka, Moucheron, c'est pour la PR, tu connais. Okay.